J'ai commencé à enregistrer à l'instant. T'as commencé à enregistrer à l'instant, c'est ton nouvel artiste, À là? l'instant. T'es rendu gérant d'artiste maintenant? Ouais. Il chante quoi, lui? Monsieur à l'instant. Ouais. Sa première chanson, c'était Tant pis pour toi. T'avais juste à me dire oui. Tant pis pour toi. Ben, c'est ça. C'est sa première à vie ou sa première sur l'album? Sa première avis. Ben, tu sais, Il quand t'écris une a toune, commencé ça commence fort avec fort. un Ben, jeu c'est de ça. nom, un jeu de nom, un jeu de mots. Pour ça que c'est pas pour rien, tu bêtes sur les meilleurs artistes, là. T'as entendu ça et t'as fait Ben, calvaire. quand Ça, c'est Chris, un style de. lui, il va aller loin, C'est un vrai champion. man. Y a-tu des projets pour ça Je sais à pas toi, l'instant? on a perdu un peu contact hein, pendant l'année. Ah, ouais. Aux dernières nouvelles, il était au show médiéval. Ouais, non, je l'ai pas, lui. J'ai pas trouvé de blague, non. Nope. C'est correct, ça. Je vais être un peu lent aujourd'hui. C'est correct, d'habitude, c'est en moi qui est lent, fait qu'on va être les deux astis de grosse Hey lenteur man, ridicule. ouais. Ma course était un peu. Ça m'a un peu vidé. Ouais, veux-tu justifie toi tout de suite? Comme ça, c'est plus Ok. simple. Ouais, ben, j'ai couru un demi-marathon aujourd'hui. Fait que Bon. 21 km. C'était Bon. difficile. Fait que je pense que c'est correct, c'était un peu mou. Et j'ai bu tantôt. Ouais. Les deux ensemble, c'est winner, man. Je suis comme. C'est un détail. Ouais. Allons bien, Ta on ta se ta ta prépare. ta ta ta ta ta. Moi, je pense que ça fitait là. Hey, bon, Chris, c'est là, ok. On part sur un boost d'énergie, là. J'aurais dû me faire un café. Bienvenue au Sono Portable, les sorbets du cœur. Les Sono sorbets du portable, caractère nice. mou. Épisode 48. 48, Noce ça de. serait les noces d'améthyste. Oh, c'est-tu beau ça, l'améthyste, un peu? Je savais pas que c'était quoi, en fait. C'est une variété de quartz violet, de diaphane et à translucide. Si quelqu'un vous demande c'est quoi l'améthyste, c'est une variété de quartz violet, de Ouais. diaphane et translucide. Toi, violet, tu vois-tu ça, bleu marin? Plus bleu que mauve, ouais. Ouais, c'est ça, moi aussi. On rappelle qu'on est daltonien, donc fortement handicapé. Ouais, Pas le droit exactement. des vignettes de stationnement, par exemple. Ben non, Chris. Je veux mon jambon gris, mais pas de me parquer dans les places avec les chaises roulantes. C'est ça, Chris, t'as beau expliquer ça Non, ça aux gens, passe pas, là, comme man. t'as-tu déjà mangé du jambon gris calis? Ouais, Est-ce c'est qu'ils ont ça, aucun? exact, C'est man. C'est comme comme t'as manger tellement des rien, tranches de là. roche. Ouais, c'est ça. Mais ça comprend pas, on se fait voir de haut, hein, Ben, donne-moi un sandwich, rocher moutarde, s'il te plaît. Est-ce qu'on sert juste à se faire demander c'est quoi la couleur, hein? Ah, Chris. Hein. C'est notre seul rôle dans notre monde, Ouais, puis là, après, mais là, c'est rendu que c'est un peu un trap avec moi. C'est comme, ok, tu veux savoir c'est quoi que je vois? On va faire le test d'Ichihara ensemble. Là, je montre les tests d'Ichihara. C'est comme les cercles avec plein, plein, plein de petits points. Plein de couleurs, puis il y a des chiffres dedans. Puis tout le monde est comme, ah, oh, ouais, tu vois pas ça. Mais non, Chris! Je suis le seul Mais qui voit le 2, esti. c'est ça. Il y a rien là. Fuck you, calice. Ouais. C'est dur, ça. Hey, c'est dur, ça te scrape une vie là. Ben. Hey, c'est compliqué là. Mais moi, j'ai. Tu sais, le pire, c'est. Tu sais, dans le fond, je le remarque pas vraiment. Je vois pas mon jambon gris, moi. C'est pas si Ouais, moi intense. oui. C'est une teinte de vert. Fait que, tu sais, je pourrais même pas te dire. Tu sais, dans la vie de tous les jours, jamais ça m'a affecté, à part si quelqu'un me demande c'est quoi cette couleur-là. Puis je fais comme, Moi, c'est fuck ça. Ouais, que des fois, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas, genre, tu sais, c'est comme, je vois pas le bleu comme orange, c'est you. des C'est teintes, ça. des fois, que, genre, je vais avoir un peu, je vais avoir de la misère à différencier avec un autre, genre. Non, c'est ça. C'est pas intense, là. C'est pas un filtre Photoshop Non, et c'est qui change ça. les couleurs. Tu changes pas le. Ouais, parce qu'il y a du monde qui voit pas du tout une couleur, genre, orange, tu vas mettre du spray orange à terre, puis il voit rien. Ouais, C'est wack en crisse. il voit juste de l'asphalte. Ouais, c'est ça. S'il sort des crottes de fromage, c'est un bol vide, là. C'est Tu me niaises-tu, calé, sans des crottes du de fromage? popcorn, ça? Il est bien long, ton popcorn! Lui, il voit pas le président des États-Unis. Oh! Hein? On est Allons-y, politique esti. aujourd'hui. Non, Chris, qu'on sera pas litique, non. Zéro litique. Parce que non, non, je suis pas Paléolithique. tu sais, je suis quelqu'un de très informé dans la vie. Ouais, Hein? moi aussi. Ça fait 47 épisodes que vous savez là, que je suis donc informé de tout ce que je dis. Fait que je suis encore plus informé en politique. Ouais. Est-ce que calisse que je suis au courant de tout là? Ah, moi, à part les headlines sur Reddit. Ouais, c'est un peu ça aussi, là. Fait Ouais. que. Mais les headlines, est-ce que j'essaie? Est-ce Eh qu'ils veulent dire? ben. Hey, je pense que maintenant, il y avait peut-être une recherche qui disait que ça se peut que les gens sont grands. Que ça. Tu sais, j'en ai pas de même tout le temps, genre de ouais, j'ai vu ça, je pense, peut-être. Je l'ai pas Toi, t'as vu lu. ça. Toi, t'as vu ça, pis t'es grand que le tabarnak, pis t'as fait. Ah, oh, Chris. J'aime Ouais, ça, moi. c'est vrai ça. Enfin, tu vas t'entourer de gens normaux, pis pas de juste de Ouais, petites personnes, enfin. Ouais, si ça existe, moi, je crois pas en ça, les petites personnes, man. là. Ça, c'est une blague, l'autre jour, au brouhaha, man. Ben, c'est tout du faux monde, en fait, c'est ça Ben, c'est l'affaire. ça, vous étiez tout à genoux, man, avec les chaussures sur les genoux, hein. Non, mais le gars, Ah. Maxime de Parlons Balado, il te dépassait, par exemple. Ah ouais, c'est vrai, oui. Fait que c'est Ouais. ça, t'étais Ah, il même était pas le plus grand là-bas. Là. gigantesque, man. Fait que, tu vois, t'es dans le fond, c'est comme ça qu'on se sent, nous autres, quand t'es là. Ah. Tu vois, ce sentiment-là que toi, t'as eu Ouais. une fois dans ta vie, mais nous autres, Ouais, c'est tous les jours. moi, c'est le front qui fait ça, man. La Mais tête, là. Genre la tu moitié de mon poids corporel. Genre la moitié de mon poids, c'est ma tête, man. Non, c'est correct. Moi aussi, mais c'est plus proportionnel, fait que j'ai une grosse face de boule, un peu, là. Grosse face en boule. Fait que pour ceux qui n'ont pas une image mentale de nous autres, ben imaginez un grand qui a un grand front et une face en boule grasset. On sait qu'on est beau, hein. Ben, Fait que Chris, c'est une chance que c'est en audio, hein. des sexes symboles. C'est pour ça qu'on s'appelle les sexes symboles du caractère mou, Ouais, les sexes symboles mous. hein. Que, ouais. C'est un nouveau. C'est un spin-off, en fait. On travaille là-dessus. Ouais, c'est ça, exact. Qui éduque sur la sexualité. Oui, Ouais. parce que, tu sais, je disais qu'on était bien informés tantôt, là. Mais Ouais, là-dessus, ça va Chris, dans qu'on est. plot. C'est ça, ouais. C'est pas. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas besoin de dire d'autre chose que ça, là. C'est lettre le mot plot. Plot. Ça va être un bizarre aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, c'est un bizarre, parce que le 50 qui s'en vient va Ah oui, il va être trouer toutes malade. les culs de la Ouais. planète. Ouais. Certains veulent changer le paysage du podcast au Québec, mais nous autres, on va changer Chris, le portrait aussi. On va le faire, On ouais. va changer toutes les Peu sens de importe feuilles possibles. l'orientation, on le Recto change. verso. Ah, Chris, que nous autres, là, ils allaient faire comme Ouais. tabarnak. Le 50, tu sais, là, quand tu saignes des oreilles, ben, ça va être Ouais. l'inverse. Ça va C'est ouais, c'est ça. dessaigner. C'est pour ça le podcast. Là. Ouais, ben Point. c'est Le ça. Ben, médium a été inventé pour l'épisode 50 des caractères mous. tabarnak, oui. Après ça, il n'y aura Ouais. plus rien qui va se faire. Là. Tout Non, le monde va faire c'est comme ça. Chris. Comment tu veux qu'on top ça? C'est ça. L'épisode Mais je 50. pense que c'est aussitôt qu'on le sort le lundi, on est numéro 1 sur Pod Québec. Ah, oh, c'est tout qu'on sort, mais on est numéro 1 Bam! partout. iTunes, Pod Numéro Michoui. 1 dans l'album métal. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que Ouais, ça englobe tout, là. C'est ouais c'est ça, c'est tout le ce qui est sens de la audio. vie est Ouais. trouvé dans cet épisode-là. Ouais, mais on Épisode va mettre une 50. image dessus, ça va être le film le plus vendeur de l'année. Ben, s'il faut, Ouais. on le fera. Je veux pas mettre nos épisodes sur YouTube, mais celle-là, je pense que. Ouais. Il se doit d'être là, avec même si c'est juste un artwork cheap par-dessus. Ouais. Puis, ah, ok, on va mettre c'est un De nous vidéo dans un audio. sleeping bag avec la tête qui sort. Ouais, c'est ça. Tu me disais à un moment donné, tu trouves que nos discussions qu'on a, tu nous imagines comme si on était les deux dans Ouais. des sleeping bags, comme Comme si avec on les était genre des vers, les genre, têtes tu sais, collées avec un peu. le top du sleeping bag, genre, autour de la face, tu vois pas les cheveux, c'est juste la tête qui sort, genre, poup, pis on est comme un. Je sais pas pourquoi je vois ça dans ma tête. C'est comme dans un camping, genre. Ouais. Ben, Ça genre peut être. d'une tente-ish ou d'une activité, Ben. ça fait plus Non, même kid, pas en là, non? plus. Je sais Non? pas, non. Je sais pas Ça fait pas pourquoi. On dirait que comme c'est notre son aussi un peu dégueu. plus proche. On va dire. Proche? Notre son a une qualité proche. Waouh. Hein? C'est-tu hypé, là, pour le 50? Ouais. Ça va. Bref, ça va être cool le 50. Ouais, le 50, ben c'est ça. Fait qu'en attendant, ben il en reste deux, hein. Fait que. Ouais. Buckle on! Parce que là, ça s'en vient en Hop. crise, là. Parlant de gens louches, parce qu'on parlait de nous autres dans des sleeping bags. On a son frère, Guy Louche. Ah, Guy Louche, qu'est-ce que... C'est drôle comment que c'est plus drôle si c'est un mot. Guy Louche? Ouais. Ouais. C'est pas son nom de famille, il s'appelle Guy Louche. Ouais, c'est Guy Louche. Il n'y a Ouais. jamais personne qui va l'appeler Guy ou Monsieur Louche. Guy Louche. Ou il s'appelle Gil, peut-être? Gil Ouche. Ah, Guy Louche. Ouais, peut-être. Hmm. Ouais, ça fitterait plus. C'est un nom, Gil? Je sais que c'est un nom de famille, mais... Il y a du Je monde sais qui pas si s'appelle t'appelles Galaxy, mais Guy, c'est un Gil. nom. Okay. Ouais, comme je connais un gars qui s'appelle Guzzo. Comme les cinémas. Ouais, comme les cinémas Galaxy aussi. Il y a des cinémas Galaxy? Ouais. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. Il y en a un à Victo, en tout cas. Bon, ben, je pensais Il pas que joue c'était des pointu comme VHS. référence, puis ouais, c'est ça. C'est juste des VHS, puis quand ça marche pas, c'est un dude qui vient de mimer le film, là. Fait que là, Ah, ok. Chris Pratt, il embarque sur sa moto, puis il y a des raptors autour qui courent, s'il vous plaît. Il roule, puis les raptors, ils courent avec lui, parce que, tu sais, il y a un bond entre les deux, puis là, ils courent. Puis là, il y a les deux kids, là, tu sais, ceux du début, puis là, il arrive, là, Chris, il est sauvé maintenant, c'est bon, là. Malade. Ouais, c'est ça. Victo, le cinéma, Comment ça c'est que t'es encore parti là. Hein. Victo, man? Ben, Avec j'ai. ça. Qu'est-ce que j'ai hésité, man, là. Tu sais, le dernier jour que j'ai passé à Victo, j'ai fait le tour du cinéma. Ouais. J'étais allé rencontrer le monsieur qui a fait le résumé. C'était quoi ça faisait partie de Victo à quelle année? Je sais plus quel film qui fitrait. Quel film qui est sorti en genre Ben, je sais pas 2000. quelle année. Mettons 2009. Godzilla. Non, c'est pas. C'était Godzilla 2000, je pense. Okay, on va aller voir Ouais, les des films, films en ça va être 2009. Parce que j'ai 2009. besoin d'aller voir des films sur Internet pour savoir c'est quoi une anecdote qui est... Ah, Chris, Avatar. Ben, c'est ça. Le gars, il est en avant du cinéma, puis il est en 3D. Fait il fallait que tu mettes tes lunettes. Fait là, ouais, fait que là, il y a un dude, il met sa machine. Là, Il vole en bleu. il est rendu en bleu, il y a des affaires qui volent partout, c'est beau, hein. Des oiseaux en cuir. C'est bon, tabarnak. Puis là, il y a une scène, là, ils connectent leurs bouts ensemble. Puis là, ça fait de la lumière. Le gars de l'armée, il est pas le fun. Est-ce les cheveux blancs? Je me souviens plus. L'as-tu réécouté ce film-là? Je l'ai vu une fois, puis c'est tout. J'ai pas un. J'ai vu deux. Je l'ai vu trois fois. J'ai quand même vraiment aimé ça. Ouais, parce que moi, j'ai vraiment juste aimé l'univers, puis Ouais, c'est ça. le visuel, mais c'est-tu que je me Ouais, c'est pour crissais de ça. tout, là? Ouais, l'histoire était pas top, là. Mais ouais, j'aimais vraiment l'univers. C'est pour ça que j'ai écouté genre trois fois, genre. C'est-tu le même vieux monsieur qui joue dans Don't Breathe? T'as-tu vu le film d'horreur Don't Breathe? Mais ça, on s'en a déjà parlé, puis. Je pense pas, je l'ai écouté cette semaine. Ah, ben, tu m'en as pas parlé. Ou j'ai vu Ouais, ça quelque non, part, mais je parce l'ai pas. Non, j'ai que pas ben, vu. en gros, c'est comme des jeunes qui décident d'aller voler une maison, puis c'est d'un gars aveugle. Ok. Puis finalement, le gars aveugle, il est genre fucking violent, puis il y a un bout où il se fait mettre genre du jizz dans la bouche. Mais c'est parce qu'en gros, c'est que le gars, sa fille est morte, puis la fille, d'un accident de voiture, puis la fille qui a tué sa petite fille a pas été en prison parce qu'ils l'ont acquittée. Mais il l'a enlevée, genre, fait que là, il est dans son sous-sol, puis un moment, il la libère, mais bref, il se passe de quoi? Ça finit que c'est la fille comme la personnage principal qui est enfermée, puis qui, là, il est comme, ah, je vais t'inséminer. Là, il sort comme une pipette, puis là, il y a comme du jizz dedans, mais elle finit par réussir à s'enlever, puis un moment, elle fait genre, ah! Avec la pipette dans la gueule, puis bref, il y a plein de jizz dans la bouche. Je paierais cher pour que pour que le gars de Victo nous fasse une version de ce film-là. Ouais, Stephen c'est. Lang! J'ai checké. Ouais, Stephen Lang, c'est lui. Ouais, c'est J'ai ça, checké c'est sa lui. page Wikipédia. Fait que vous Ouais. l'aurez su ici, le vieux dans Avatar, c'est aussi le dude dans Don't Breathe. Qui mange du sperme. C'est aussi le gars dans. Conan. Ouais. Un gars dans Conan. The Man Who Stared at Goats. Puis dans. Chercher des noms le moindrement reconnaissables, puis. Ah, ben, il y a un rôle dans Call of Duty Ghost. Il fait Elias Walker. Fait que pour les fans de ce jeu-là, vous savez que Elias Chris. Hey. Ouais. Mais Don't Breathe, j'ai pas tant aimé ça, man. Il y avait tellement Non? des esties de clichés, là. Genre le dude, il tire non-stop, là. Puis la fois, c'est que genre le gars, il a comme le gun sur la tempe, le héros, pis t'es comme. Il tire, pis oh, il y a plus de balles. Il y a tout le temps, il y a plein de petites affaires de même que tu fais comme. Non, C'est mais comme des affaires s'il a hyper tiré clichés de cheap. non-stop, c'est pour ça, il a tout pris ses balles. Ben oui, mais par hasard, où est-ce qu'il s'en rend compte, Ben c'est ça se là, genre. peut. Ouais, mais c'est comme l'ensemble de toutes les estis de petits trucs que tu fais comme arrête, il y en a trop, genre. T'aurais juste pu pas mettre ça, je sais pas. C'est plein de petits trucs comme ça qui gossent, hein. Que c'est, il y a ça dans tous les films d'horreur, un peu cheap. Recommandation de la semaine, Don't Breathe. Ouais, exact. Mais ça, c'est même pas. C'était-tu divertissant le moindrement ou c'est. Bah ben oui, un peu, c'est pas genre tu fais pas comme Tu veux pas mourir, là. arrête, non. Non, c'est ça. Non, ça marche bien. C'est avec j'ai écouté la première moitié du premier épisode de 13 Reasons Why. Ouais. C'est ce dude-là. Ce dude-là est comme un des personnages principaux, le jeune Le. gars, là. Clay Jensen? Ouais, exact. Lui qui a Oh, toujours son man, j'ai hoodie. la première moitié, là, a fait mal. Il écoute le truc. Comment ça, moi? Quoi? Puis t'es comme, Ouais, arrête, c'est que ça a l'air un c'est... peu. Ça a l'air un peu ce Oh. ton-là, un peu tout le temps, là. Ouais, c'est un peu Mais. forcé, genre, d'enfants qui se parlent. Ah, oh ouais, tu connais mon père, voici Clay. T'es comme, ah, voyons donc, il n'y a pas un ado qui fait ça. Mais c'est fou, cette série-là, 13 Reasons Why, comment c'est partagé la vie là-dessus, là. Parce que Ouais. soit, on dirait, de ce que j'ai vu sur Internet, du moins, soit que t'as vraiment aimé ça, soit que t'as détesté ça, genre. Puis je fais Ouais. partie du clan qui a vraiment aimé ça. J'ai vraiment embarqué dans l'histoire, puis j'ai tout écouté. On a écouté en genre 3 jours, là, on a vraiment aimé Ouais. ça. Mais oui, il y a plein de trucs qui marchent pas, les gens. Ils ont tout l'air Mais d'avoir 25 ans. Ils parlent c'est ça, vraiment pas comme des ados. Ah Tu sais, c'est non, trop. hein? C'est scripté beaucoup trop clean, mais Ah, genre, mais c'est puis tellement il y a beaucoup des personnages qui sont self-conscious. eu de drogue clichés aussi, puis il y a plein. Ouais. Mais je sais pas, j'ai aimé ça pareil, moi. Je sais pas. Il y avait de quoi, là. Ouais. Il y avait un mood intéressant. Il y avait quelque chose. Je trouvais ça bien fait, mais ça, Ouais, c'est mais moi, c'est, là. tu sais, j'ai écouté la première moitié du premier épisode, là, c'est... Je vais continuer, je vais essayer. Il y a de quoi... C'est intriguant, genre, tu sais, c'est pas dégueulasse, c'est pas genre, je vois pas pourquoi... Tu sais, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer, mais... Ouais, le ton, c'est comme... Spoilers, elle meurt à la fin. Ah, Je suis désolé, là. Fallait que je te le dise, là. c'est bon. Au moins, tu penses pas que. Ah, oh, finalement, elle était pas morte. Ouais, c'est ça. Mais non, non, mais j'ai. Non, je sais pas. Il y avait de quoi d'intéressant dans tout le. Tout le monde vit quelque chose, puis tout le monde perçoit quelque chose par rapport à quelque chose d'autre, là. Tu sais, c'est jamais Ouais. noir ou blanc, puis. Ouais, Je c'est pour sais ça pas. que ça C'est. m'intrigue. Je vais C'est. Sur cet continuer. aspect-là, je trouvais ça bien fait. C'est comme une série qui est un peu raw aussi par bout. C'est. Ouais, en tout cas, bref, tu vas le voir là. Bref, moi j'aimais ça. Fait que si quelqu'un commence à écouter ça, il fait comme ah, j'aime pas ça, ben dites-vous que le gros des sorbets de caractère a aimé ça. Fait que vous pouvez mettre ma grosse face en stamp sur le truc Netflix avec un pouce vert vers le haut. Vert, un pouce vert, je sais pas, un horticulteur Avec le jardinier. là. Donnez-lui Ouais, l'approbation du jardinier. Il y a moi pis le jardinier qui choisit les trucs sur Netflix, pis on a un stamp. Ah, on en appelle. Allô, oui? Allô? Chris, ça va? Ouais, à qui je parle? Monsieur Jean le Jardin. Jean Lejardin! Hey, vous devez vous faire dire, hey, êtes-vous Jean Dujardin souvent? Ben oui, mais c'est pas moi. Pourquoi j'irais d'un film où je parle pas? J'ai une si belle voix, j'ai pas de chien non plus. C'est quoi ça? C'était ce Puis, petit niaisage. Les plantes parlent pas, les humains parlent. Pourquoi je ferais ça? Fait que Jean Lejardin, votre nom, fils, vous êtes jardinier, quoi? Vous êtes. Oui, exactement. J'ai le pouce vert, on pourrait dire. Ouais, puis, est-ce-tu les 2 pouces verts égales ou. Surtout le pouce droit à l'autre est un peu... Il est verdâtre, disons. Puis, ça vient-tu à force de travailler dans les plantes, à un moment donné, le pouce il vient vert ou c'est comme ça, c'est one shot? Comment ça marche? Ben oui, qu'est-ce que tu penses? Pas de la magie, Chris. Je touche aux plantes, il devient Chris, vert. j'ai jamais touché une plante de ma crise de vie. Hein. Je suis fou, moi. Oh, Stéphane. Quand j'étais jeune, je prenais, tu sais, les boules, là. Il y a des Tu pissenlits, prenais des des autres. boules quand t'étais jeune, c'est quoi ça? Les tiges avec les boules C'est pleines de Victo, patentes que tu souffles, ça? là, pis des fluffs, Des ballons? là. Non, l'affaire, là, c'est comme des pissenlits, là, c'est des boules de fluff. Ça Ah s'appelle ça, oui. calice. C'est-tu de fluff, là? Comment. Hey, là. Le pollen blanc. Pas. Chris, Ah, t'inquiète pas pour ça. Qu'est-ce que tu d'affaire, c'est là? l'espolenos blanchos. Bon, merci. Là, je commençais à douter des capacités de jardinier. Ah, Parce mais c'est parce qu'il que. fallait me rappeler, c'est le nom latin. Moi, je connais tous les noms latins. C'est ça, juste les noms latins. Est-ce Ben que. oui. Y a-tu. Êtes-vous comme. Vous trippez plus les certaines fleurs ou plus des mauvaises écrits? Tu vois que comment. Je sais pas comment m'adresser à un jardinier. Y a-tu une fleur que tu fais Oui, comme Chris? le chrysanthémum commonis. Ça ressemble à quoi ça? Une grosse fleur blanche. Une grosse fleur blanche Exactement, Hey, la grosse crise de fleurs qui fait peur dans Jumanji, ça se peut-tu ça? ben oui, j'en ai trois. C'est-tu dangereux de même ou? C'est Billy, Boule et Balle. Ils ont leur nom parce qu'ils sont un peu plus vivants, j'imagine. Ben oui, exactement. Ils me regardent puis ils font Papa. Puis après ça, ils me crachent dans la face, mais ça, c'est leur vie, hein. Bon, Oh, moi, au moins. oh, oh, attends. Papa! Oh, désolé, faut que j'y aille. Au revoir. Bon, mais Chris, Ah, il était neutre, hein? Monsieur le jardin, ne pas confondre avec Jean du jardin. Exactement, non. Jean du jardin, bon, mais Chris, je voulais qu'il plug son commerce ou quelque chose, mais cherchez-le sur Internet, j'imagine Jean le jardin. Ben Le dude, il y a trois fleurs dans Jumanji, là, écoute. ouais. Ben c'est ça. Juste pour ça vaut la peine qu'il soit connu. Ben fait quelqu'un, je pense que j'ai vu ça sur son Facebook, c'est Bal dans Jumanji. C'est un des siens. Ouais. Mais Chris, hein, ça c'est. Ok, ben. Ben je Qu'est-ce pense que qu'il c'est s'en toi? est pas rappelé sur le coup, là. Ça Ben fait quand même un petit bout de Jumanji. Hein. là, Chris. Puis ils ont enlevé pour le nouveau avec The Rock. Voilà. Y a pas de rock dans le nouveau? Je sais Je suis pas. sûr, man, mais il me semble que j'ai entendu ça. Ah, pour Attends, ça vrai? m'intrigue. Bon, Jumanji 2. Ben. Là, c'est vraiment Non, Jumanji mais c'est pas 2, un là. reboot. Pas Zathura, là. Ouais, non, c'est Ben Welcome oui, to the toi. Gun. Ou Dwayne Johnson, yep. On s'en calisse-tu? Mais j'ai tellement aimé ça, moi, le premier Jumanji. Mais oui, mais. Qu'est-ce que tu essayes de refaire? Ouais, non, je sais pas. Il est encore bon, man. Il aurait pu reprendre les deux kids. Là, ils sont Ben, ils fucking doivent être vieux. morts tellement qu'ils sont vieux, hein. Mais non, Monsieur Chou, t'es. Parrish, Parrish. Chou Parrish, puis Croustade aux pommes, là. C'est son nom. Chou Parrish, puis Kristen. Gadaï Blond. Ben, elle jouait pas mal de rôle de Gedaille Blonde, mine de rien. Ben, Elle Blond, suivait ça son aide pas, nom. hein. Ben, Chris de. Ben là, ouais, mais Blonde. Il y a bien des blondes. Ah, mais l'argument de béton! De plein de blondes, ben oui, Ben, 50, 50 va être meilleur que ça. Ça va lever bien plus que ça. Là. elle Ben, en parlant de Jean Louche, c'est là qu'on allait tantôt. Puis on a divagué sur Guy Louche. Ah. Voilà, fait comme 2 ans de ça. Mais ouais, là, à ma job, je vais aux toilettes des fois. Ça m'arrive. Ah Puis ouais? je suis désolé de T'es de surprendre bien même, du monde. toi? Là. Ouais. C'est arrivé une fois. Puis je l'avais noté dans mes notes. Il y a comme 6 épisodes. Puis j'ai pas eu le temps de le dire, puis oh, c'est pas grave. Là, c'est arrivé une autre fois. Fait que j'ai fait, oh, Chris, faut que je leur note, faut que j'en reparle pour vrai, là. Je veux comprendre c'est quoi. Il y a un dude, genre, style, tu sais, pour le décrire vite, style métalleux, tu sais, cheveux Ouais. longs, vraiment mince. Sûrement des colliers puis des bracelets avec des spikes, là. Mais lui, ça fait 2 fois que je rentre, puis tu sais, il y a les urinoirs sur le mur, puis sur le même mur, t'as les lavabos avec un miroir. Puis Ouais. il va devant le miroir, il fait couler l'eau, puis là, tu sais, on dirait qu'il se lave les mains, mais pas, avec. Il fait comme plein de styles de mouvements de bras, genre, comme s'il faisait comme, tu sais, le signe de croix, mais 15 fois, là, puis avec les deux mains, puis vite, puis il fait ça, puis il s'envoie de l'eau, genre. Puis ça l'envoie dans la face, puis il en met partout sur le miroir, là, puis il fait ça, asti. Tout le long que je pisse, il Quoi? fait ça, là. Je sais pas ce qu'il fait, tu sais, on dirait qu'il fait des moves de rap, là, ou je sais pas, Ouais. genre, il fait comme des incantations, je suis sûr qu'il allait me jeter un sort, j'allais pisser du sang, là, mais, c'est comme, j'ai pas compris, pis ça fait 2 fois que je le Ouais. vois, là, C'est pis peut-être qu'il je. y a un trouble OCD, genre c'est comme son truc qu'il faut qu'il fasse, sinon il pense qu'il va mourir. Mais tabarnak! Ben ça se peut, ben il y a du monde qui se lave les mains genre 10 fois là, Mais il se à lavait chaque clairement fois. pas les mains, là, il s'est envoyé Ouais. du jet partout, là. Ouais, mais je pense que c'est le genre de truc. Ben, j'ai aucune idée, ça peut pas être ça. Il y a du monde, c'est genre. Tu sais, quand. Un peu le même principe que quand. Tu sais, tu sors de chez vous, tu barres la porte, tu descends les marches, t'avances, pis t'es comme, oh, Chris, j'ai-tu barré la porte? Oui, Genre mais de. Mais j'avoue que c'est. Je me ouais, ok, peut-être ça vient de la même réaction chimique quelque part dans la tête. Là. Mais disons, on s'entend un Ouais, truc c'est qui est ça. capoté comme oh fuck, j'ai pas barré à la porte. Même si c'est maladif. Faut que je bannisse. Faut que je baptise le miroir, genre. Ben, c'est parce que ça a l'air de ça, man. On dirait, pour Ouais. vrai, ça se plage de partout. Puis, tu sais, il arrête pas parce qu'il y a un gars qui rentre pour pisser. Là. Il s'en calisse que je sois là, puis que je pisse. Puis que je regarde dans le coin de l'œil, puis je fais comme, what the fuck, man. Genre, Ouais, c'est fou, hein. mais la dernière fois, il continuait. Je me suis lavé les mains à côté. J'ai eu le temps de partir, de me sécher les mains. Puis, il était encore en train de faire ses incantations. Et Chris, c'est. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Genre, il a-tu Ouais, tué je sais pas. quelqu'un, pis genre, il est en train de faire une crise existentielle, parce qu'il fait comme, oh, que j'ai fait! Tu sais, il n'y a pas de sang, il n'y a pas rien. Aïe, Bref, vrai, je sais pas à aïe. quel jour, quelle heure qu'il est là, mais j'aimerais ça le revoir. Ouais. Bref, Si si j'ai je la repasse ce CD, c'est monsieur-là, sûrement genre Christmas timing. Genre chaque le pire jour à une sûrement, heure. là, mais tu sais, tu veux-tu, Ouais. ouais, si, ouais, là, Rendu là, c'est c'est pas, un. Ouais, c'est rendu là, rendu c'est là, moi c'est qui ai le quasiment problème, méchant, là. là. Ouais, Mais c'est rendu là, ça. c'est moi qui ai OCD aussi, là, de surveiller le dude que je pense qu'il y a un problème dans la tête. Comme, on va contrôler ça le moindrement. Là. Mais ouais, si jamais je le recroise, Chris, je pense que je vais en faire une entrevue pour le podcast. Je vais mettre Ouais. mon. Je vais emmener mon gear qui va sous l'eau. Puis, on va se faire une petite entrevue avec ce monsieur-là. Il y a peut-être bien des affaires à dire. Si vous me connaissez, si vous connaissez quelqu'un. C'est juste ça. Des splashes, puis moi qui ai la bouche pleine. Ça va être dégueulasse. T'as-tu déjà entendu ton NIP? Ah, c'est que je saute du coq à l'âne, mais. T'as-tu déjà entendu comme ton NIP de carte de crédit ou whatever, comme à haute voix, dans un contexte par rapport? Je pense que oui. Est-ce que Peut-être une fois. ça fuck, là? Genre, parce Ouais. que j'étais dans un. Ça fait un bout, mais j'ai repensé à Tu me ça cette semaine. connais! C'était dans un restaurant, puis la fille prenait des commandes, fait qu'elle notait les numéros de téléphone. Puis pendant qu'elle prenait une des commandes, tu sais, c'est ça, elle dit les chiffres de mon NIP comme pile poil, parce qu'elle dit juste les derniers chiffres du mon téléphone en le notant. Comme. Ouais. Là, sur le coup, je fais comme tabarnak, genre que c'est la fin du monde. C'est le. C'est. Est-ce que c'est pas le fun comme sentiment, sur le coup, là? Ça y est, Fait. un bug dans Matrice. Mais Chris, là, tu sais, tu veux pas faire comme. Si, t'as-tu mon NIP, là, tu veux pas. Ouais, c'est ça. Là. Tu veux pas faire comme Chris, ok, ça a-tu banalisé ces chiffres-là? C'était-tu les bons chiffres? Qu'est-ce qu'en tout cas, bref, c'est pas Ouais. Mais c'est un un. peu. C'est un peu comme. Je m'en rappelle plus c'est qui disait ça. C'est genre, il y a un truc. Je m'en rappelle plus c'est dans quel pays où ce que. Il y a plein d'enfants qui volent, genre, qui vont te voler les porte-monnaies, des trucs comme ça. Puis leur truc, c'est genre de crier, ah, quelqu'un a volé ma bourse ou mon porte-monnaie. Puis là, le monde, automatiquement, t'as comme le réflexe d'aller toucher. Hein. Fait que là, ils savent c'est où, genre. Asti. Ah, ouais. Tu sais, genre, cet effet-là, tu l'entends, pis t'es comme, oh my god! Ça n'a aucun Shit, rapport avec ce c'est que tu viens wise de dire, mais pareil. ouais. Non, mais c'est ça n'a pas rapport, Ben, ouais. mais C'est c'est un wise pareil, là. petit. Ouais. Ben, tu pars sur un le sentiment Ouais, c'est de ça. le C'est petit ça. la petite sentiment de panique qui Ouais, c'est moi! mais fait que là ouais, ben là je veux quand même tu sais, je veux quand même que les gens qui nous écoutent ils comprennent un peu le sentiment. Fait que je veux juste dire des chiffres comme ça. Ouais. Si y en a un là-dedans que c'est votre NIP, ben vous allez comprendre ce que j'ai vécu. 1, 4, 9, 2, 7, 9, 4, 0, 8, 5, 2, 7, 4, 5, 9, 8, 0, 1, 5, 4, 7, 8-5-2-0. 7, 5, 6, 8, 4, 2, 1, 3, 7, 8, 9, 7-8-9-2. 4. Oh! Wow, Aïe! what? Nice! Tu vois qu'on est original et qu'on regarde notre keypad sur le clavier. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, si y en a un de ceux-là qui était votre NIP, partagez-nous vos impressions. Exactement. Précisez aussi c'était lequel. Qu'on ait tout, là. Mais non, c'est pas vrai. Mais bref, c'est pas le fun, mais c'est pas tant racontable non plus. Là. Pourquoi j'ai noté ça, j'ai fait comme avec Chris, ça, là. C'est. Podcast C'est Ghost, il faut que j'en quelqu'un qui parle. baille. Non, c'est correct. Moi, je suis. Ouais. Chris, toi, tu bailles, mais je pense que c'est un peu comme une réflexion. Je pense que quelqu'un qui nous écoute présentement doit bailler, que le tabarnak, là. Depuis le début, depuis Guilouche, là, il est là. Le Ouais, style c'est de baillement qui finit plus. ça. Ouais, c'est. Je sais pas si tu Ben, peux. ils disent tout. Ouais, ils disent tout genre, ouais, Chris, hein, il y a eu trois bons personnages, maintenant c'est la débandade. Ouais, ben, je sais pas, penses-tu que ça se peut de bailler à l'infini, hein? Tu sais, quand tu Je sais bailles, pas, il on y a des dirait. fois que ça file de même, genre pendant 30 secondes, t'es comme. Tu sais, parce qu'on dirait que bailler, on dirait que tu vas chercher quelque chose, mais tu sais, ça peut-tu bloquer, ça? Je sais pas, hein? Je sais pas qu'est-ce que ça affecte, mais là on parle de bailler, vous allez bailler comme tout le monde, j'ai juste envie de bailler depuis tantôt, là. Mais genre, quand tu bailles, ça vient-tu de comme... Tu sais, comme, je sais pas que ça bouge à l'intérieur, mais ça peut, tu sais, ouais, ça peut-tu faire comme... À un moment donné, tu fais juste plus finir de bailler, je sais pas si ça... Ah, puis c'est aussi, il y a des fois des intensités différentes, tu sais, des fois, c'est juste le bailleur, genre... Mais il y a d'autres fois, c'est comme... Ouais, le, c'est comme, ouais, c'est ça, t'as aucun vient, contrôle genre sur ta mâchoire, puis tu sais ce qui se passe, ouais, là, c'est comme... C'est ouais, gros tu... respire. On dirait que tu vas aspirer l'univers au complet. Hein. Tu deviens Kirby. Ah ben c'est ça. Hey, hein. Kirby, lui, il peut bailler à l'infini. Mais il baille-tu? Fait que c'est ça, lui. Il a commencé en baillant. Puis on est, il a appelé quelque chose. Ouais, il s'endort juste vraiment beaucoup tout le temps. C'est comme ça qu'il a découvert ses pouvoirs. Hein. Ouais. Il a avalé une mouche, puis est devenu une mouche. Ben Chris, je peux être une mouche. J'avale une mouche, puis... là, il s'est mis à avaler plein de choses. Ouais. Il s'est transformé en sorte de cochonnerie. Mais c'est pour ça. Ouais. Et il savait pas encore dans le premier jeu, il se transformait pas, hein. Fait que. Ouais. Il savait pas encore. Ça faisait que ça s'est passé entre Kirby's Dream Land et entre Kirby's Adventure. C'est là qu'il a avalé une mouche. Ouais. En baillant. Vous l'avez appris ici. Ouais. C'est nouveau. C'est un nouveau segment fait de jeux vidéo. Ouais. C'était. Parce que les jeux rétro n'ont pas assez été couverts. Non! C'est nouveau, non, non. Ben, on veut starter notre chaîne YouTube aussi, genre montrer un peu l'histoire de Nintendo, de genre l'idée qu'il y avait en arrière des premiers niveaux de Mario puis des trucs comme ça. Ouais, ben notre première vidéo, c'est une demi-heure de nous qui raconte, qui vous raconte que dans le premier Mario, les buissons c'est les nuages. Mm. Fait que c'est bon, Chris. Ouais, après que ça... le premier jump qui a pas de trou, c'est pour te faire apprendre à, après avec le jump avec un trou. Puis aussi, sur la même chaîne YouTube, vous allez pouvoir nous trouver en train de faire des let's play. On est, moi et Mathieu, assis sur un divan avec une caméra qui nous filme vraiment de loin. Les voix sonnent vraiment de cul, puis ça sonne écho. Mais comme on est vraiment intéressant quand on joue, ben au moins, vous pouvez faire comme Chris. Je sais maintenant ce que ces deux gars-là disent quand ils jouent à des jeux. Je suis content. Ouais. Mais tu sais, on n'est pas... Au naturel, on est un peu plate, là, fait qu'on en met plus, là, t'sais, ouais, on est des petits coquins, oh là, oh shit, t'es tombé! Oh! T'sais, pis des sons de même, là, pis, tu vois, c'est bon en crisse, là. Ouais. Probablement qu'on va, en fait, après 50, on arrête le podcast, pis on va continuer YouTube jusqu'à ce qu'on redéfinisse YouTube. Ouais, ben en fait, c'est ça le hype du 50, là, c'est le début de notre chaîne révolutionnaire. Ben, ouais, ça fait partie de ça, parce que c'est big, ouais, en tabarnak, là, genre, c'est quasiment un puzzle, là. C'est un petit puzzle. Un puzzle. Un puzzle. Un casse-tête, allez. Oh, oui, allô? Hey, salut les gars! Oh, c'est qui? C'est moi, Fraise Pouliche. Oh! Je suis producteur de podcast. Oh, de podcast! Écoutez les comme gars, quoi, un peu? Ben, Gris, ben, regarde, comme là, j'ai signé un podcast, comment il s'appelle, J'ai le serpent. Ah, il y a un podcast? Ouais, il a commencé. Shit. C'est un bon podcast. Veux-tu un extrait? Ouais, ben, ouais, on a okay, un extrait, je pense. Je vous ai envoyé ça, check tes courriels, là. Alright, aujourd'hui, on goûte des souris. J'en ai une belle grise qui bouge encore un peu. Je vais vous ramener là-dessus le temps que la digère dans une semaine. J'ai une blanche aussi. Allez, les retours la semaine prochaine, merci. Tu t'en penses? Ouais. Moi, en tout cas, je trouve que ça lève en tabarnak. Moi, je vais chercher juste du bon monde de même. Ouais, c'est edgy, c'est edgy. Comme là, j'ai pogné le grand dans Air Force, là. Il fait un podcast à la photo. Bon, en tabarnak. C'est quoi son nom? Je suis GF, je pensais. Bon, Yannin. Pas sûr. Ah non, qui est pas Yannin Glenn. Non, ça c'est... Tu sais, moi, je suis juste du bon monde de même. Puis, tu sais, ça fait un bout, je vous écoute, vous autres, là. Pis qu'est-ce que vous l'avez, hein? Vous autres, votre formule d'avoir un grand Chris qui parle loin pis un gros qui bégaye, moi, ça me fait capoter, là. Non, ben Chris, moi j'ai fait comme Chris, je veux ça dans mon team. God, j'ai quoi. C'est quoi, quoi, c'est quoi votre segment de... préféré de notre podcast? Les faits des jeux vidéo. Ah, ok, ouais, ouais. Ah, Chris, j'ai appris des Chris, hein, Kirby pis tout. Ouais, là. On se force en Chris pour ça. Hein. Mais c'est ça, tu sais, moi. Je pense qu'on a trouvé la Switch. Parce que moi, j'ai fait de la radio pendant 40 ans. Là. Ok. Puis j'ai fait de la Switch dans le podcast parce que Chris, je crois ça en tabarnak. Pis là, moi, j'ai envie de vous signer, man. Ah. Parce que je vous écoute, je fais comme Chris. Ça donne quoi si on signe? Ben, garde écoute, on en parlera plus tard, là. Okay, c'est okay, pas important, okay. Là. Bon, non, l'important, ce qui est important, là, c'est la liberté, hein. Ben oui. Puis moi, je vous offre de la liberté. Ok. Parce qu'on comprend qu'en podcast, on veut pas de middleman, là. Mais hein? Ouais, mais donc, qu'est-ce que ça nous donne? Nous, en ce moment, on a la liberté est pure. Ah hey, non, mais Chris, tu veux pas, mettons, que le gouvernement vienne se mêler à ça, là, c'ti? Oh, non, effectivement. Marnaque, là. Effectivement. Chris, moi, c'ti, dans mon choix, moi, si je dis que la Terre est plate, c'est de mes affaires, ouais. Hein? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que c'est, Chris? Donc, vous, message un peu haineux ou tout ça, vous êtes correct? Moi, je veux pas... moi, c'est toute la liberté, là. Bref, moi je veux vous signer là. Je vais t'envoyer des papiers par mail là. Ok, c'est bon. Je vais me faire un stamp là-dessus. C'est quoi déjà le nom de la compagnie? De votre production? Fraise Poulish Incorporé. Ah oui. Ben c'est là, c'est que c'est juste, j'ai un feed RSS, là, j'ai toutes les shows dessus. Ça a l'air un peu inventé vite, votre nom. Hein. C'est mal chié, mais Chris, c'est ça. Écoute là, je connaissais pas iTunes, je connaissais pas rien. Me suis setupé ça, okay? Okay. Moi je viens de la radio, hein. J'ai fait 40 ans de radio, j'ai animé avec Gilles Parent, Claude Poirier, Esti. Ah. Je les ai tous vus, moi, ces grands-là. Okay. Puis je veux pas reproduire la radio. Je veux faire que on va faire briller la couleur du podcast. Non, regarde, Chris, non, on raccroche là, moi je signe rien là. Ouais. Je le trosse un peu pas, là. Ouais, non, c'est ça, ça a l'air made up en Chris. Parce que, tu sais, il y a un ton de vendeur de char. Ouais, exact, c'est ça. Mais de vendeur de char croche, là, il a reculé le meter, puis si d'un coup ses pneus, le pare-choc, il tombe à terre. Ah non, le pneu, c'était du carton. C'est ça, le char, c'est un carton. tu viens de payer le prix, puis le char est tombé à terre. Ouais, c'est ça. Ah non, approche-toi pas trop, là, on peut pas sortir dehors. Avec Monsieur Poulish, non, on signera pas. Non. Pas de. Non, non, non. Non, parce que. Hey, là, ça va faire, là. Hein? Mais moi, non, non. Nous autres, les services du caractère mou. J'aurais. Hey, imagine, tu sais, s'il y aurait eu un beau statement à faire, ça aurait été à ce moment-là, ça aurait été cœur, hein. Mais, bon, j'en ai. On en appelle, je pense. C'est pas là que ça se passe. Chris, là, c'est. Fraise Poulish, c'est mieux de pas être lui, sinon je raccroche dans la face tout de suite, là. Les services du caractère mou. Allô? Allô, Stéphane? Allô? C'est Théodore. Théodore? Oui. Théodore? T'as l'air un peu tendu. Est-ce que... Ben, ça me stresse un peu, moi, du monde qui ont l'air de me connaître pis que je sais pas c'est qui, je te replace pas, mais... Théodore! Est-ce que ça t'arrive de boire du thé? Ben non, je suis pas tenté, man. Je devrais-tu? Tu devrais, t'as l'air stressé. Tes épaules sont tendues, tes belles grosses épaules. c'est un podcast, hein? C'est comment tu sens ça dans ma voix que j'ai des épaules tendues? Je te regarde en ce moment. Chris, je vais aller voir dans la fenêtre, c'est ça? Ah ben, quoi. Pourquoi vous êtes grimpé là, Chris? C'est pas moi, ça, Stéphane. C'est Chris, vous êtes combien de bord? Celle que j'ai payée pour te filmer. Oh, what? C'est Jean-Michel. Peux-tu dire qu'arrête ça, Chris? C'est pas. J'ai même pas de pantalon. Moi, j'ai plus de contrôle. Allez, Chris, pourquoi? Allez, je te lâche avec Jean-Michel, au revoir. Ouais, je pensais que ça allait être. Je coupe ça là, mais. Je pensais m'en aller sur autre chose. Chris, m'a autre chose. C'était vraiment mauvais. Non, ouais, j'aime ça. Moi, là, je suis comme filmé, ça a l'air. Ben, écoutez, il y a sûrement un live Facebook avec moi qui est en train d'enregistrer un podcast, si vous me trouvez. Ça se peut que ça devienne shaky. Non. Le gars, il a l'air de t'aimer. Okay. Ouais, bon, ben... Hey, parlant d'aimer... Non, c'est pas... Il commence à chanter. j'ai checké... j'ai écouté, c'est hier, je pense, j'ai écouté sur Netflix, il y a une série de documentaires, c'est Hot Girls Wanted, Turned On. J'ai pas vu la série, j'ai vu le documentaire, là, ouais. Qui était sorti il y a une couple d'années, mais ouais, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait une série. Ouais, j'ai écouté le premier épisode, c'est quand même nice, parce que c'est pas, tu vois pas de porn, c'est vraiment juste le monde qui travaille là-dedans. Puis c'est comme le premier épisode, c'est des femmes qui travaillent là-dedans, puis c'est comme, c'est des femmes qui aiment ça, puis ils font ça... C'est parce qu'ils aiment ça, mais c'est à fond, tu vois genre à quel point aujourd'hui c'est rendu dégueulasse la porn, puis c'est genre super violent puis misogyne, puis eux sont comme on n'est pas là-dedans, puis on aime pas ça, puis c'est comme un mané, comme ouais, il y a quelqu'un qui m'avait déjà demandé, tu sais, comme j'ai mes limites, il y a du monde qui m'ont demandé de faire du truc plus tabou, ben plus violent, pis comme des swirlies, puis c'est genre qui mettent la tête de la fille d'une toilette puis l'envoient, genre c'est comme oh my god, man, qui veut. Voyons donc, man. Genre ça, c'est, je comprends fond, pas. Parce qu'il y a du monde qui en veut, hein. Non, mais c'est ça, mais c'est fou, là. Genre, je comprends pas. Mais il y avait un truc de même, il me semble, dans le doc aussi. Une des filles, c'était une affaire un peu plus intense, forcée, genre, puis elle gaguait du tabarnak, là, de la manière qu'on en parlait. Ça, là, mais... ça me turn off, un gag, là. Ouais, c'est surtout avec la tête qui est tenue, là, puis c'est comme tu le vois que ça vient pas d'elle, là. Ouais. Genre, c'est pas un cadeau qu'elle te fait, là, c'est... Ouais, mais ouais, même à un... ça, là, même à ouais, ça, non, mais j'aime pas dans ça. Il y a quand même une différence d'intention. Ouais, là. Ouais, non, clairement. Je dis pas que j'aime ça, mais je dis que ça vient pas de la même place. Non, exact. Ben, ça gague à la même place, bref, là, je comprends. Mais ouais, non, non, j'haïs ça, là, est-ce que j'aime pas ça? Mais c'est ça, non, mais c'est... Le premier épisode est quand même nice, il y a une fille, genre, je sais plus si c'est à Barcelone ou à Vienne. C'est à Vienne, je pense, qui fait des... Qui fait des films genre comme je veux vraiment montrer du monde qui ont du sexe, pas genre de la grosse porn dégueulasse, c'est juste du monde qui font ça puis qui sont genre les deux aiment ça puis ça leur tente. Ouais. C'est quand même cool, mais c'est drôle parce qu'en film 1, puis il y a une fille qui a répondu à un script, elle écoutait les films, puis elle est comme ils ont besoin d'une pianiste pour qu'elle fasse du sexe pendant qu'elle joue du piano, des trucs comme ça, mais la fille, ça a jamais fait de porn, genre. Okay. Puis à la fin, comment, ouais, faut que je processe un peu l'expérience. C'est comme, elle a l'air shaky. C'est comme, oula. Puis en plus, de base, la fille a genre les yeux super globuleux, un peu ouverts tout le temps, un peu comme si elle était en panique. Là. Je sais pas si c'est parce qu'elle est stressée tout le long du documentaire ou elle-même tout le temps, mais t'es comme, oh god, qu'est-ce que tu fais? J'espère qu'elle va processer vite le fait qu'elle est dans un documentaire puis que son vidéo va être regardée énormément après. Ouais, c'est ça. Sur Internet. Ouais. Ah non, c'est. Mais c'est cool. Je sais pas les autres, là. Parce que je sais que c'est plus un... Tu sais, c'est pas un truc purement... les filles en porn! Mais c'est plus comme la pornographie aujourd'hui avec la technologie pis tout ça, là. Mais ouais, ça a l'air cool. J'aime tout le temps les... Comme documentaires de porn, des trucs comme ça, juste parce que c'est tellement genre de truc que tu t'écoutes souvent ou tout le monde... Mais ça, c'est le genre d'affaire tu te poses pas cette question-là. C'est comme c'est tellement là que c'est ça. C'est là, tu sais. Exact. C'est le fun à voir un peu le derrière de... le derrière de ça, là. Derrière, ouais. Ils crient que derrière, puis Vienne, puis il y a sûrement un troisième mot, là, c'est règle de trois en humour, hein. Ben voilà. C'est... Le gars qui comprend pas, genre. Chris, que c'est pas censé être drôle, mais c'est drôle que le tabarnak. T'as-tu écouté de quoi de nouveau, toi, cette semaine? J'achève Westworld, il me reste un épisode. Il y en a combien déjà? Il y en a 10 de la saison 1, à moins que j'en ai... Moi, je les ai pas tous téléchargés. J'ai HBO, puis il y en a genre 22, man. Mais je comprends pas, parce qu'on est rendu aussi au 10e, puis il est 1h30, c'est clairement une fin de saison. What the fuck? Attends un peu, je veux... Il y a peut-être des c'est peut-être des... Ah, c'est peut-être ça? Ou... Ben, j'ai même pas... En fait, j'ai pas regardé, ça fait un bout que je l'avais téléchargé, puis j'ai même pas... Ouais, selon Wikipédia, il y a 10 épisodes. Ah ouais, ok, c'est bon, on est au dernier. Fait que, puis la saison 2 n'est pas encore sortie, mais ouais. Fait que, vous l'avez... T'as écouté le dernier ou... Non, on est en train, là. Ah, Chris, mais ça, je l'ai pas commencé encore. Je viens de finir le 9e, là. Ok. Fait que, non, Chris, Westworld, j'ai pas vu le film original. Ouais, moi non plus. Mais la série, sérieux, ça me... Ouais, c'est bon. Tabarnak, ouais, quoi, je pensais pas que c'était bon comme ça. Hein. Ouais. Pour mettre un peu en contexte, pour les gens qui n'ont pas vu ni le film ou la série, mais dans le fond, ça parle d'un... Entre guillemets, c'est comme un part... Guillemets, man. Excusez. Guillemets? Ouais, peu importe, mais ça parle de parc d'attraction. C'est comme c'est pas un parc d'attraction, c'est comme un... Mais ouais, c'est comme un monde virtuel. Pas virtuel, ouais. Mais tu sais, c'est un... comme un parc. Puis, mais c'est comme de à thématique cowboy, mais gigantesque, avec un gros désert. Puis tout. Dans le fond, c'est comme une micro-vie avec du monde qui vit, ouais. Mais c'est pas du vrai monde, c'est des robots. Genre. Mais tu peux aller visiter là. Ouais, ben c'est plus que des robots, que tu... en fait. Là. C'est, ben, c'est des hosties de robots, ben, mongols. C'est comme genre, des... quasiment le sujet de l'émission. C'est hein. Ça, la dualité entre... ouais, c'est quand la conscience... robots, puis humains, puis quand la conscience embarque. Ouais, ouais, mais c'est hot en tabarnak. Ouais, là, c'est vraiment genre. Bon. Mais tu sais, à la base, c'est ça. C'est que c'est un parc, dans le fond, que tu peux visiter, puis tu peux faire ce que tu veux là. Puis dans le fond, ça reset parce qu'ils ont des narrations, puis des loops, puis des affaires de même, puis ça joue là-dessus. Mais c'est Chris, c'est fuck, c'est vraiment bon. Je recommande cette série-là à tout le monde, mais ça se peut. Je vais écouter le deuxième épisode, je vais faire comme oh Chris. on est Chris par oui, retard durant oui. Un an. Ouais, ben oui, puis non, la saison 2 s'en vient. Là. Mm. Fait qu'on est en retard-ish. Mm. Mais il y a des petits trucs que j'ai trouvé que c'était genre, c'est juste la manière qu'ils présentent qui fait que c'est un mystère. Tu sais, dans le sens, c'est. Des trucs que tu vois pas juste parce que eux ils te l'ont pas montré, genre. Tu sais, il y a des petits trucs comme ça, ouais. Que j'ai trouvé que c'était. C'est un peu genre un mystère artificiel. T'sais, c'est pas si compliqué, c'est juste qu'ils. Mais c'est des robots! Ouais, mais c'est ouais, genre. Il y a des trucs, c'est genre c'est purement fou. Du hold d'information, mais tu sais, t'as des émissions où c'est plus du. Il se passe tellement de choses, puis ils en parlent pas, mais ils te le cachent pas, c'est juste que tu l'as pas encore vu, genre. Je sais pas. Il y a des petits trucs, mais. Ah, peut-être, ça m'a pas frappé, mais en même temps, j'aime 13 Reasons Why, fait que je suis qui, là, ça. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, bref, ouais. Mais je sais pas, le film, il tue. C'est un classique? C'est-tu quelque chose pour voir? Mais c'est pas un livre, à la base. Ben, je sais pas, man. Il me semble que oui. Je pensais. On va s'informer. Bienvenue au segment Westworld. Westworld! Bam, bam! Bam, bam! Oh non! Oh non, je suis un robot! Ma conscience! Oh non! Augmente mon bol qui... c'est quoi le nom? Je m'en souviens plus. Peu importe. C'était vraiment malade comme segment, ça. De toute façon, moi, faire des impros de cowboy, je pense que ça marche pas. Ouais, non. On va mettre un esti d'épée faire des impros de cowboy, là. On fera jamais ça. Ah, c'est basé sur sur le film de 1973. OK. Puis, ça semble pas être basé d'un roman. OK. Puis il y a eu une suite qui s'appelle Future World en 76. Oh! Mais je sais pas à quel point, qu'est-ce que de la série est repris, ouais. Que c'est une suite, j'en ai aucune idée. C'est juste l'idée de base, je sais pas. Mais ouais, mais. Ah, c'est bon. The book! Ah, ok, il y a eu un livre après. Ah, ok. Mais ouais, c'est bon, si jamais vous l'avez pas écouté, écoutez ça. Ben c'est ça, dans les trucs nouveaux que j'ai écouté, c'était ça, plus 13 Reasons Why, puis j'ai pas écouté d'autres choses de nouveau. Hey, on commence à ressonner comme quelque chose. Hey, on dirait un vieux épisode des sommets. Oui, je le sais. Dans les 10 premiers qu'on parlait de ce qu'on avait fait dans la semaine de geek. Hey, parlant de geek, t'as pas du nouveau, toi? Bon, ben on va s'enligner là-dessus, ok. Oui. Segment jeux vidéo. Papa, papa, pui, pui, pui, pui, pring, pring, pring, papa, pao, pao. Rétro, geek, pixel arcade, geek, jeux vidéo. Et... Des points. Boum, pao. Hey, ouais, fait que c'est ma fête bientôt. Puis j'ai eu mon cadeau de fête d'avance, beaucoup d'avance. Puis, tu sais, c'est parce que là, on s'était dit cette année, moi et ma blonde, nos fêtes sont quand même proches. Mm-hmm. On s'était dit, elle, c'est le 1er avril. On s'était dit, on se donnera pas de cadeau. Mais tu sais, c'est jamais vrai. Ouais. Fait que tu sais, on se donne toujours un cossin pareil. Comme, tu sais. Sauf que là, elle m'a acheté une Switch. comme, j'ai fait comme, Chris, moi, je t'ai acheté genre Mass Effect Andromeda. Le jeu il est pas patché encore, fait que tu joues pas, pis tu sais, genre il est pas bien coté. Mais ce qui est vrai, t'as deux jeux. Il y a deux jeux sur le Switch. Même à ça, on s'entend du qu'en termes de valeur, pis comme d'intensité d'un cadeau. Non, genre, je fais comme, ok, je me dis le prix de la console, je fais comme, ok, je pense que j'ai jamais coté ce prix-là. En 8 ans, là, j'ai frôlé, mais je suis pas allé là. Comme, ok, bon, ben, à Noël, on va emprunter, je pense. Ouais, c'est ça. On va aller. Une coupe d'affaires, je peux aller vendre chez. V'là une voiture! Argent comptant, là. Comment ça s'appelle? Content cash. Instant comptant, là. Instant comptant, ouais. On va tout vider. Tout ce que j'ai ici, on va tout passer par là. Puis on va acheter un. On va acheter quelque chose. Un divan en or. Ouais, mais tu ça, tout le monde veut ça. Il est dur, quel tabarnak. Ouais, là... j'ai les fesses froides. Encore, il est en or. Mais ouais, c'est ça, mais il est en or. Oh, j'aime ça. Quand je me frotte, je deviens tout doré. Ah, man. Ah, moi, ben... Non, ça ferait pas ça, je pense. Ouais, c'est là que tu te rends compte que tu t'es fait fourrer, puis c'est pas vrai. Comme, ben oui que t'as pas un vrai divan en or, est-ce que tu dépêches pas, ok. Oh. Mais... Ouais, fait que là, je suis rendu avec Nintendo Switch, mine de rien. Aime ça. C'est, ben, man, pour vrai, la machine, ça m'a fait comme quand tu m'as montré ta Vita un moment donné, que je trouve tellement. La Vita, c'est une petite belle machine, genre. Non, elle est hot, je trouve la Vita. Montre-moi ta Vita. C'est même pas un peu proche. Ouais, je sais. Non? Ben oui, je l'ai. Mais tu sais, c'est le même genre d'impression quand tu tiens la machine. Ouais, c'est genre, qu'elle a un poids, puis c'est une qualité. Ça a un poids, puis une qualité, genre, puis tu vois que c'est bien fait, puis c'est sleek, ouais, là. Ouais, c'est le fun, comme ça. C'est une petite belle machine. Puis non, pour vrai, non, c'est nice. Là, j'ai déjà Zelda sur Wii U, fait que je vais pas racheter Zelda. Fait que là, j'ai Bomberman, je me suis racheté Shovel Knight. Puis là, Chris, j'ai Shovel Knight, j'ai backé ce jeu-là sur Kickstarter, fait que je l'ai depuis le launch, là, day one. Je l'ai jamais fini, puis là, je l'ai racheté, puis j'ai fini la première campagne. C'est nice. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, j'étais une pute à console portable, là, j'aime ça. Tu sais, il y a beaucoup de jeux que je jouais plus à 3DS, même si... Ouais, moi aussi. Tu sais, j'avais des meilleurs jeux, entre guillemets, ou des jeux plus, que je voulais plus faire sur, mettons, à l'ordi, sur Steam ou sur une autre console, PS4 ou whatever. Juste parce que la 3DS était portable, j'étais porté à plus finir mes jeux. Parce que même si c'est pas... Même si je joue pas dans le métro, je vais aimer jouer sur un portable chez nous, tu sais, comme là. Ouais, tu sais, Sarah, elle joue à côté à Zelda ces temps-ci. Fait que là, moi, j'étais assis à côté puis je joue à la Switch. Mm-hmm. Là, fait que c'est comme ça fit, c'est le fun. Ouais. J'ai joué genre 10 minutes sur la télé, puis tout le reste du temps, je suis tout le temps sur la console portable. Ah, c'est nice. Mais non, ouais, puis je veux pas trop m'éterniser là-dessus, parce que, tu sais, on a entendu parler dans tous les podcasts, on en a parlé un peu de leur impression. Mais juste dire vite que, ouais, la machine file vraiment bien. Les manettes sont quand même petites, mais c'est quand même confortable. Hein. On dirait que c'est pas comme... Tu sais, une 3DS, on dirait que c'est fucking pas confortable. Ouais, non, ouais. On dirait que tu viens les doigts crampés au bout d'un certain temps. Tandis que ça, j'ai pas eu l'impression que c'est bien. Puis tout ce qui est UI puis menu est vraiment... Feel pas Nintendo. Genre, c'est weird de passer après des consoles qui étaient tellement pas snappy, là, puis qui étaient lentes d'aller en... Tu ouvres les settings, ça te prend 2 heures, puis là, t'ouvres une autre affaire, puis là, tu t'en dans le shop ou tu fermes telle affaire. Tandis que là, c'est... Tout est super snappy, genre tu bootes le jeu, que tu pèses là, puis ça fonctionne comme tu t'attends à ce que ça fonctionne, puis tu vas dans le menu home, tu sais, c'est vraiment plus proche de ce qu'on a sur PS4 ou peut-être sur Xbox aussi. Mm-hmm. J'ai pas vu le UI tant que ça, mais tu sais, c'est super rapide. Puis comme c'est fait dans l'esprit portable, tu sais, c'est facile de, ok, bon, j'arrête ma game, je le mets dans le dock, puis c'est fermé, puis quand je le reprends, puis je le dédock, puis là, je continue ma game, ça reset tout de suite, là, t'as pas de boot time, t'as pas à attendre que ça wake up. C'est ce côté-là est très cool, mais c'est ça, là, j'ai pas... j'attends encore les plus gros jeux, mais c'est... non, c'est vraiment... Mario Odyssey, ben, c'est genre, puis Splatoon 2, puis... J'ai hâte de voir Mario, man. Ben, moi aussi, mais tu sais, s'ils vont... Vraiment. Le côté, écoute, Zelda m'a rassuré pas mal. Ouais. Fait que je fais comme, ok, non, s'ils changent de philosophie un peu pour ça aussi, je suis assez confiant. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils s'en vont avec ça. Ouais, c'est ça. Puis en plus, vu que c'est ouvert à la Mario Sunshine 4, puis genre Mario Sunshine, ça va être juste ça, c'est nice. Non, c'est ça, puis ça fait quand même un bout qu'on n'a pas eu des platformers dans ce genre-là. Ouais, c'est ça. Parce que là, ouais, ben tu sais, tant qu'à parler de jeu, il y a Yooka-Laylee qui est sorti une couple d'années. Une couple de semaines. Ouais. Ben, on dirait que ça a été sorti une couple d'années. Mais comme ça. Ça aussi, je l'ai backé sur Kickstarter. Puis... Tu regrettes? T'as regrettes? Non, je regrette pas. J'ai joué un peu, puis je vais quand même sûrement le continuer. Mais c'est weird comment que. Tu sais, je pense que tu peux le comparer... En fait, tu peux le comparer avec Shovel Knight, là, mais tu sais, Shovel Knight va reprendre ce qui était meilleur à l'époque du NES, puis toutes ces affaires-là, puis il réinvente un peu. Okay. Puis il fait un jeu, tu sais, il fait un jeu moderne avec. Ouais, même s'il y a l'esthétique 8-bit, même s'il y a des tunes en chiptune, tu sais, tout est quand même le moindrement adapté ou ouais, repensé un peu. Ouais, ouais, il utilise les trucs qu'il aimait dedans, mais il... c'est comme le monde qui dit « Ah, oh, un hommage à tel jeu! » Puis tu te rends compte, c'est genre une copie cheap d'un autre jeu. Ouais, non, tu comprends c'est que c'est ça, juste puis... parce qu'il n'est pas capable de faire plus. Puis c'est ça, Shovel Knight est tellement pas comme ouais, ça. Non, vraiment ça. C'est pas comme oh, un petit jeu indie en pixel. Ouais, ouais. Non, c'est comme non, c'est vraiment très bien designé pour vrai. Tout mm-hmm. est pensé là, au truc. Puis là, j'ai commencé les DLC. Puis là, c'est ça qui est cool avec Shovel Knight. C'est que t'as le jeu de base. Puis là, t'as deux DLC depuis qui étaient gratuits. Mm-hmm. Puis dans le fond, le deuxième DLC, c'est t'as refait la campagne principale avec un autre personnage. Fait que. Comme ils ont changé un peu les règles du jeu, fait que tu rejoues au même niveau, mais faut que tu repenses différemment. Okay. Puis l'autre, de ce que j'ai compris, c'est un jeu complètement différent avec des nouveaux tableaux, puis un autre personnage, puis une nouvelle approche. Fait que mm-hmm. comme t'en as pour ton argent en esti pour là, puis c'est bien fait. Mais tu sais, Yooka-Laylee, c'est comme. Ça devrait. Ça, on dirait que ça devrait reprendre ce qui fonctionnait des plateformeurs des années. Mettons du N64. Mais comme on dirait que ça prend juste ce qui marchait pas. Okay. Ça le laisse tel quel. Puis ça le met plus beau. Là, mais genre, ouais. c'est weird comment c'est pas exactement agréable à jouer. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, c'est comme. C'est tedious parce qu'on dirait que ça veut l'être. Parce que ça l'était dans le temps, oui. Mais tu peux réinventer la roue. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux. Ouais, tu sais, il y a des affaires, tu peux garder. Tu peux refaire l'esprit de ça. Là. Ouais. C'est un peu ce qui me fait peur aussi avec les remakes de Crash, hein? Les Crash Bandicoot. Ouais, Ben en même temps, ça tu gardes un peu le même level design. Fait que s'ils étaient bons avant, ouais. ils vont rester bons dans la formule. Tu sais, ouais. c'est poche à dire, là, mais dans le sens que Yooka-Laylee, tu sais, quand même, c'est des nouveaux niveaux, c'est des nouveaux univers. C'est très. C'est. Ouais, c'est fade, là. C'est ouais, c'est, tu vas c'est pas comme... le finir. Ben Chris, en même temps, la question est un jeu, tu vas-tu le finir? Je pense pas, je l'ai fini pas mes jeux d'habitude. Ouais. Mais que je dis? Ok, ouais. Mais ouais, c'est bref, moi, c'est dans le sens, c'est comme c'est designé comme pas avec la bonne approche, là. Ouais. C'est ça, c'est. Mais oui, Crash, ça va sûrement faire ça un peu aussi. On va faire comme ouais, c'est pas. Ça se prête peut-être pas bien à du visuel ouais, comme ça. Hein? Ça fitait plus quand c'était choppy parce que t'étais limité à une direction. Surtout que là, ça a l'air de jurer du calice le visuel. Là, ben, vite, là, selon ce qu'on voit. Genre de garder le même niveau de détail, mais juste avec du genre de matériel trop réaliste. Ouais, c'est. Il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose de vraiment off, là, mais ouais. tu sais. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi. Ah, puis Bomberman! Ouais. Ouais, ça a l'air qu'il. Non, mais ce qui m'a convaincu sur Bomberman, c'est ils l'ont patché cette semaine. Ok. Puis c'est comme ils ont annoncé plein de trucs, puis ouais. ils ont l'air à vouloir l'entretenir pour vrai. Ok. C'est comme là, puis c'est un drôle de choix, mais ils ont fait une mise à jour pour améliorer le frame rate. Fait qu'ils ont baissé un peu la résolution pour que le frame rate okay. soit meilleur. Genre. Ok. C'est me semble que c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Parce qu'on dirait que tous les développeurs sur console sont comme tellement. Tu sais, ils font comme ok, non, faut que ça ait l'air de ça. Puis là, c'est le framerate, il va en prendre un coup, mais il faut que visuellement ça soit beau, pareil, ouais. dans les screenshots. Je sais pas quoi. Là, les autres, ils ont fait comme oh fuck it, c'est Bomberman. Là, t'sais. Déjà, c'est un peu ridicule qu'il faut que tu baisses la résolution, mais c'est un jeu Unity. Fait, tu sais, si ils ont pas pris le temps d'essayer d'optimiser ça le moindrement, ben. C'est, ouais. Ils ont pris des drôles de décisions, mais tu sais, comme. Je trouvais ça intéressant le fait qu'il ait baissé la résolution du jeu pour que le framerate soit meilleur. Parce que moi, j'aime autant mieux que le framerate soit plus stable et soit plus haut que d'avoir plus beau visuel. Ouais, moi aussi. Je trouve que, tu sais, dépendamment des jeux, je suis pas piqué au point qu'il faut que mon jeu roule à 60 piles, sinon je capote. Là. Mm-hmm. Sinon, je serais capable de jouer à Zelda, mais si ça. Mais il n'y a pas une patch dernièrement qui stabilise un peu les framerates. Mais pas sur Wii U, c'est ça. Mais ça a l'air que ça a amélioré ailleurs. Okay. Mais bref, le jeu est correct, mais l'espace-là, j'ai pas encore joué en multijoueur, puis c'est là que ça chaîne, surtout Bomberman. Fait que, ouais. La campagne, elle fonctionne pour ce qu'elle est. Okay. Mais c'est un peu weird. Il y a des niveaux. Les niveaux sont quand même pas, je dirais pas clever, mais ils sont bien faites, là, mais tu sais, il y a des boss, puis se passe les boss, tu sont comme, on te dit, comme, ok, sont designés comme des boss traditionnels de jeux vidéo, okay. Là, ok, fais péter ça, puis là, il va faire ça, puis là, tu leur pètes une place. Sauf que là, t'as des contrôles de Bomberman, là, fait que tu sais, si vous vous rappelez de Bomberman, t'as des quatre directions, ouais. Puis tu places des bombes qui explosent dans quatre directions, fait que c'est pas le fun. Tu sais, c'est ouais. Bien correct dans un genre de labyrinthe péter des cubes pis des bébites, là, mais péter un gros boss dans un endroit ouvert, c'est vraiment pas le fun. Pis c'est long que le Chris, on dirait que ça leur prend 10 000 coups. Pis genre, c'est peut-être moi qui est fou pis qui joue pas bien, mais c'est pas... en tout cas, les boss, Chris que non. Non, mais ouais, c'est pas un jeu que je recommande parce qu'il est cher. Ouais, en plus. Pour ce que c'est, là, mais bref, quand même. Ouais. Est-ce que j'ai de la misère à m'exprimer sur mes affaires? En tout cas, c'est mes impressions, hein? C'est clair nice. Que le tabarnak. Désolé pour le segment. Fait que. Acheter Bomberman. C'est ça? Hey, on a un appel, je pense. Oh! Oui, allô? Salut! C'est moi, Monsieur Q-Tip! C'était tout pour aujourd'hui. Merci. Je voulais m'excuser pour la semaine passée. Ah. J'ai cru comprendre que vous aviez reçu beaucoup de plaintes par rapport à mon appel. Ouais, exactement, c'est le plus de réactions qu'on a eu. Les gens qui disaient que j'étais pas drôle, que mon sketch était interminable, qu'il y avait rien qui se passait de bon dans ce que je disais. Pourtant, j'ai essayé de poser une question sur comment les Q-tips. Puis c'était difficile, puis je pense que les gens, ils devraient comprendre. Que ouais, c'est je pense que le monde, c'est juste, c'est Chris facile. Et Q-Tip. Je suis pas un radiophone. Moi, je parle, je vous appelle au téléphone, puis j'ai la misère, mais à lier les mots, puis je pense que les gens devraient se reconnaître là-dedans. Mais monsieur, appelez-nous après l'épisode. OK, je vais aligner ma phrase comme je pense, puis je vais vous rappeler après. OK, merci. Hein? Il est fin, hein? Non, il est gentil. Hein? Hey, Chris, j'allais oublier, on avait quand même du courrier. Oui. Oui, fini. Ouais, allons-y là-dessus, puis ouais. Le segment courrier des auditeurs, très impressionnant, cool, ouais, trop génial, top, ouais, génial, cool, top, top, cool, renversant, top. Brillant. Salut les mous! Je voulais savoir comment vous est venue l'idée de faire un podcast. Vous êtes dit quoi au juste quand vous avez établi votre concept hurluberlu? Bonne continuation et j'ai hâte au noces d'or. Si un jour vous vous sentez faible, n'oubliez pas que la formation la plus forte est le grand V. Allez tous ensemble, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin. Cordialement, Gordon Bombay. Gordon Bombay, j'étais sûr que ça allait être le gars de Parlons Balado. Hein. Non. Calais, mais ouais, mais l'affaire, là... Parce qu'on va notre spoiler. Concept, c'est pas... Il n'y a pas eu de discussion. C'est arrivé... on va dire c'est organique. Ouais, c'est ça. Dire ça comme un concept, c'est comme dire c'est comme si on aurait pensé à ça. Ouais, non, c'est ça, exact, du tout. Non, mais c'est ça part de on a fait un moment donné, hey, on faisait un podcast, puis fouille-moi pourquoi on l'a fait pour vrai, puis ouais. C'est ça. Là, ça a duré jusqu'à maintenant, hein? C'est ça, exact. Ça finit tout au 50. Après ça, on n'a plus besoin d'en faire parce que le 50, c'est l'équivalent de Dieu, puis c'est partout. Exact. Mais ouais, sinon, c'est ça, c'est tellement une histoire plate, là. C'est même pas comme, ouais, on faisait pas du kayak, puis là, on a fait comme, qu'est-ce que du kayak, c'est le fun, ouais, on peut présenter mourir, ça en audio. On s'est dit, genre, oh, seulement pour raconter ça, c'est ça, non, y a rien. Tu sais, puis, tu le vois, en plus, quand, si t'écoutes les premiers épisodes, tu te rends compte que... On voulait juste parler, je pense. C'est ça, exact, là, on est, tu sais, les premiers épisodes, ils sonnent pas mal comme tout. Ce qu'il y a d'autre sur tous les autres podcasts dans la section pop culture ou je sais pas quoi sur un site de podcast. Là. Ouais. Comme il y a pas grand chose qui se démarque à part qu'on a un esti nom long pis bizarre. C'est ça. Non. C'est ça. Mais désolé de la réponse plate. Mais là, si maintenant on va en parler en balado, là, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je pourrais pas développer. Pour vrai, genre, plus que ça, là. Je sais pas, ben oui, on peut expliquer comment, genre, pourquoi on est amis pis des trucs comme mais ça. Mais c'est-tu qu'on s'en calisse? Chris, personne va écouter ça, là. Ouais. Non, genre, mais pour vrai, en même temps, ça serait genre un épisode personne, sur nous, Guy, qui va écouter ça. Ben, exact, c'est ça. Ils vont faire comme, c'est qui, ça? D'où le temps qu'il y en faire un, on va le faire... Fait aussi bien se crosser vraiment au complet, ben, oui. Puis tout dire dans le détail. Ben, c'est le but un peu de ça, non? Ouais, j'imagine, ouais, mais il y a un... Ouais, mais c'est ça qui est weird, c'est que là, ça va être drôle d'aller dans un show qui n'a pas de montage, parce que là... Ah, tu sais, ouais. Ici, c'est correct, tout est contrôlé, fait que je fais comme si quelque chose que je dis qui est plate ou qui est long ou que c'est tout croche, je l'édite ou je le montre. Il va y avoir des questions, non? Ben oui, mais c'est quand même, c'est un petit peu moins, la vitesse est un petit peu moins un rendez-vous qu'un épisode des Sorbets, mettons. Ouais, ben d'où le, ça va être bien correct. Je sais pas si ça va être correct. Mais ouais. Bon, en tout cas, next! Ça va être moins bon, cet épisode-là de Parlons Balado avec nous autres, ça va être moins bon que notre épisode 50. Ouais, ça c'est suite. Autre courriel. Ah, c'est Chris, on passe-tu la même soir? Ah, ok, non. Ben. Pas d'autre courriel. Ah non, mais moi, j'ai juste envie d'aller me coucher. Quand est-ce que je m'endors? Est-ce que ça paraît pas parce que t'as vraiment l'air enthousiaste? Hey, Chris, on a un appel. Oh! Oui, allô? Hey! C'est Monsieur Q-Tip! Hey, c'est-tu la fin de l'émission, là? Encore 5 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Ok, excusez, gars, je vais aller continuer à les classer par ordre de grandeur de watt. C'est bon, merci. Fait que, ouais, tu te mets de former ça, mais qui rappelle? Ouais, ouais. Non, ben, merci d'avoir écouté l'épisode numéro 48. 48, on rappelle les noces d'Améthyste. Hein? Callback au début. C'est comment t'as l'air, Scott? Ouais. Hey, mais aujourd'hui, même en courant, tu sais, ça frotte sur les mamelons, j'étais comme, ah, Métis! En tout cas, bref. Ce qui était mauvais, ce jeu de mots-là, mais merci d'avoir écouté l'épisode. Si, ouais, suivez-nous sur Facebook ou Twitter à Caractère Mou. On a aussi notre site web, caractèremou.com. Ouais. Donnez-nous des notes, envoyez-nous des commentaires, des questions, peu importe. Interagissez avec nous, ce serait le fun. Joignez notre secte sur Facebook, aimez notre page et joignez-vous aux 41 autres personnes qui ont osé peser sur like. Ouais, à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine, certain. Que c'est ça. Ouais. T'ai-je raconté la fois où j'ai vu la mort droit dans les yeux, où je l'ai regardé, je lui dis non, pas aujourd'hui, reviens me voir plus tard quand j'aurai fait ma mission ici. C'était un matin assez chaud, j'ouvris mes rideaux à la suite de m'être levé de mon lit, et je vis le soleil devant moi, il s'était chaud, alors j'ouvris la fenêtre, j'entendais les voitures dehors. Je me suis dit, waouh, mais quelle belle journée. Alors, je pris le petit déjeuner, un petit toast rapide, avec un verre de jus d'orange. Pour avoir un peu d'énergie, je descendis dehors, prendre ma marche dans les rues. Pendant que je marchais, je vis un homme assis par terre. Il me regarda dans les yeux et me dit, hey, c'est moi, Monsieur Q-Tip. Ah non. Oh, fuck, c'est après, hein? Ouais, ben, on m'a dit d'attendre. Je suis à la bonne place. Ah, oui, ok, vas-y. Ouais, parce que, écoute, moi, j'avais une question pour vous autres. Pourquoi que Donjon et Drano, c'est pas revenu, ça? C'était bon, hein, Chris, ça? C'était vraiment un bon moment de podcast. La semaine prochaine, je pense que la semaine prochaine, on va faire de quoi? On va se réinspirer de ça. Ah, oh, ouais, d'avoir Chris, que, ouais, j'ai, en tout cas, ben, j'ai plugué mon site Q-Tips Production de. .com, il y a un coupon code Q-Tip 2017, 20% de rabais, c'est puis c'est bon là, Q-Tip, puis si vous avez besoin, je suis sur Facebook, sur Twitter, Q-Tip, monsieur Q-Tip, puis je réponds tout, hein, okay. Les questions sur le Q-Tip, les bon. Questions sur la Watt, sur la tige, des fois, je connais un peu aussi des watts seuls, un peu moins, mais je peux conseiller ces watts seuls. Français ou anglais, les deux? Q-tips et Kurt. oreilles aussi. Moi, okay. Je connais tout. Hein. Moi, je suis expert okay, en parfait, Q-tip. J'ai une compagnie de production de Q-tip. C'est moi. All right. Puis c'est ça. Puis. Fait que Q-tipproduction.com. Exact. C'est parfait, là que... merci. Et je dis non, pas aujourd'hui.